bienvenue dans l'Instant Groove. C'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, je suis accompagné pour l'émission de Lucie, qui sera ma nouvelle co-animatrice. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Et j'ai l'honneur d'accueillir Maritonic, DJ à Nancy, qui sera la première de l'émission. Salut, salut. Salut Marie. Que vas-tu nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit peu d'électro, italo, break, et puis acid groove, inspiré un peu de Berlin. Eh ben, j'adore voyager à Berlin, alors j'espère que mes auditeurs apprécieront énormément ce petit voyage que Marie va nous proposer aujourd'hui. Marie, à toi, l'honneur. We'll be right back. Marie, quel plaisir de t'accueillir avec ces petites acideries qu'on entend derrière. J'ai une première question pour toi, enfin deux en une, on commence fort. Comment et pourquoi as-tu commencé à jouer de la musique et depuis quand tu joues de la musique ? Alors, je joue de la musique depuis pas mal de temps. J'ai commencé de base à faire des percussions et de la batterie. Et après, là, ça fait 2 ans que j'ai découvert le mix par passion pour la musique en général et électronique plus particulièrement. D'accord, tu faisais de la batterie à Nancy du coup Oui, au conservatoire. Ok, génial. Pendant combien d'années ? Pendant 4 ans. Ok, ça t'a plu, ça t'a... Ça m'a beaucoup plu, mais après j'ai arrêté avec les études et... D'accord. Et voilà. Très bien. Lucie, as-tu une petite question pour Marie Tonic ? Qu'est-ce que tu cherches quand tu joues de la musique ? Je cherche à faire partager les émotions que je ressens à travers mes tracks. Et j'aime beaucoup quand c'est bien frappé et les notes un peu électroniques qui font planer et groover. Top. Je suis obligé de rebondir sur la question d'après qui n'était pas prévue, mais t'as parlé de frapper. Pourquoi ce nom Marie Tonic, justement par rapport au gin tonic bien frappé qu'on boit quand on mixe ou Et oui, donc déjà par rapport à ce cocktail qui est mon cocktail préféré. Et aussi tonic, bah, c'est rythmé. Et puis aussi, je voulais garder mon prénom dans mon... Très bien. Et ben, on continue avec Marie Tonic sur Radio Fadjet, accompagnée de Lucie aujourd'hui. Marie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les influences musicales majeures pour toi ? Alors déjà, forcément tout ce qui est French Touch basique et aussi beaucoup de pop et rap US des années 80, des 2000. Franchement, j'adore même le hip-hop, tout ce qui est scratch et tout. Ça, c'est incroyable. En parlant de scratch, du coup, est-ce que tu as été voir Terrence Parker oui, à la BAM? Parce que j'ai mixé juste avant. Ah ok, incroyable. Avec Matt Cheka au B2B. Excellent. Donc oui, il nous a donné une bonne leçon. Ouais, j'ai vu des vidéos, c'était incroyable. Incroyable. J'ai pas pu y être, mais punaise, ça devait être une sacrée expérience pour toi de jouer déjà avec Terrence Parker après. Clairement. Donc déjà, de venir le voir, c'est incroyable. C'est clair. Mais oui. Marie, as-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets, mais autre que du coup avoir mixé juste avant Terrence Parker, qui est déjà une sacrée anecdote? Alors j'ai une anecdote un peu drôle. C'était en gros la première fois, une des premières fois où j'ai mixé vraiment en soirée. C'était pas du tout prévu. En gros, j'étais invitée à un anniversaire de quelqu'un qui avait un DJ à sa soirée. Mm-hmm. J'étais rémunérée pour ça. Et moi, je devais aller passer l'anniversaire pour faire des tests sons sur son enceinte avec mon matériel de mix. Donc vraiment, ça faisait 3 mois que j'avais mon matériel. C'était vraiment un test pour un événement futur potentiel. Okay. Et en fait, il s'est retrouvé que le DJ n'emballait pas forcément le public. D'accord. À ce moment-là. Et il est parti. Et là, j'ai pris sa place. J'ai littéralement branché mon matos et tout. Il y avait 85 personnes. Et tout le monde s'est mis à danser, c'était vraiment la première fois où j'ai mixé. Incroyable. Et après, on est venu me voir à cette soirée pour me proposer de mixer dans un bar. Et c'était mon premier énorme. Bar. Trop bien. Et c'était quel bar ? C'était Mimi Saint-Èvre. Ok, trop bien. Incroyable. Et ben comme quoi, il faut faire des expériences, il faut passer des portes et puis le monde s'ouvre à nous. Marie, on va continuer ton DJ set. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la suite ? Et là, je vais passer... Donc là, je passe un son Force the Record de The Trip, qui est très très cool. Et après là, je vais passer sur un peu de break de Papa Nugs. Eh ben, on va découvrir tout ça. Chers auditeurs, nous sommes toujours sur Radio Fadjet. Thank you. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Marie-Tonique et Lucie. Quel plaisir d'écouter ces petites acides, on en parlait en off, c'était incroyable. Lucie, qu'en penses-tu ? J'aime beaucoup, c'est très sympa. Si un jour tu pouvais jouer avec un artiste, lequel serait-ce ? Si par exemple tu dois faire une collab, un B2B, l'artiste de tes rêves, qui serait-il ? Je dirais Spray. Alors, je ne connais pas du tout. C'est un artiste plutôt berlinois. Trop bien. Ou sinon, si je peux dire un autre, Romain FX. Normalement, c'est un. Non, vas-y, vas-y. C'est Romain FX. Romain FX. Ouais. D'accord. Donc, pareil, il est français et hongkongais. Et il se produit pas mal à Berlin aussi. Ok, trop bien. Et c'est quel style de musique pour les deux ? Romain FX, c'est plutôt italo, okay. Électro. Et Spray, typiquement, c'est ce qui passe actuellement. Ok, génial. Trop bien. Lucie ? Ouais. Si t'avais un lieu idéal qui soit un peu soit insolite, soit mythique, où tu aimerais mixer, ça serait quoi ? Franchement, je dirais le classique, le Bergheim, non ? Non, c'est, le fameux. Pour une fan de musique un peu berlinoise. C'est ça, l'ambiance de la ville, la capitale. Et donc, tu nous parles beaucoup de Berlin, mais tu y as déjà été ? Oui. Et combien de fois ? J'y suis allée deux fois. Ok. Et une fois, deux semaines avec un groupe d'amis. Et une fois, là, cet été, 3-4 jours. Ok. T'as eu l'occasion de tester un peu les clubs berlinois ? Oui, oui, oui. J'ai fait le Hells. Donc, du coup, il y avait Spray qui se produisait. Et ouais, Adam Pitts aussi. Très bien. Et il y avait aussi Cinti, qui est house, take house, très très cool. Et sinon, après, je suis allée au Vélodrome pour un concert. De clan qu'une sueur. Donc c'était plus vénère techno. Pas fatigant quoi, des vacances reposantes. Exactement. Une petite dernière avant de reprendre. Comment tu fais pour gérer ton stress ? Est-ce que tu as une technique à nous partager ou t'en as pas du tout en fait ? Alors ça dépend vraiment. Avant de mixer, hein, je veux dire. Oui. Oui. Et bah déjà le fait d'être accompagné, ça m'aide beaucoup. Donc à savoir mes amis, mon copain, s'il y a ma famille ou des potes, plein de potes à moi qui viennent, je suis super contente. Sinon, non, je prends une respiration et et j'y vais. Ça marche. Lucie, tu veux poser une dernière question ? On en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour ceux qui ne sont pas avec nous et qui ne voient pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton matériel ? Alors, avec quoi tu fais du son ? Moi, je fais du son avec la Numark Platinum FX. Du coup, oui, je mixe sur Serato. Je mixe sur Serato aussi. Et sinon, bah voilà, j'ai un ordi de base. Mais là, je suis en train de voir pour investir. Impeccable. Voilà. Eh ben, cher auditeur, on est reparti avec Marie Tonique et Lucie. Mais surtout Marie Tonique qui mixe quand même. I wanna be okay. We'll be right back. Lucie, as-tu une question pour Marie Tonique? Marie, est-ce que tu peux nous dire pour toi le meilleur morceau que tu joues aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un morceau qui est passé tout à l'heure, c'est VT Trad de Spray. Le son incroyable. À Berlin. Exactement. Ok. Excusez-moi, je suis un grand fan de cuisine, Marie. Je suis un grand fan de boissons aussi. Avec quoi s'accompagnerait le mieux ton set d'aujourd'hui, selon toi? Et est-ce que ce serait le gin tonic par hasard? Alors, pour ceux qui boivent de l'alcool, oui, un petit gin tonic ou un London Mule, tout dépend de l'alcool, enfin du ginger ou pas. L'alcool est à consommer avec modération. Exactement. Et sinon, un club maté. Donc, petite boisson caféinée, bah, du coup, très, très berlinois, quoi. Tonique. Bon. Et pour manger, bah, moi, je dirais un truc un peu frais, une petite tomate mozza ou... voilà, ça peut être sympa. Petite tomate mozza. On en a besoin, là, on a un peu de soleil, là. Exactement. Tu nous en partages actuellement avec ton set, Marie, c'est génial. Est-ce que tu as une prochaine question pour Marie? Marie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est susceptible de te voir pour la prochaine soirée, où tu mixes et où on peut te voir? Et bah, c'est tout prochainement, là, c'est samedi 18 novembre au Bar à Mousse. Donc, je suis avec PL et Leca, donc Leca qui est du MIT. Donc voilà, on va faire une soirée acid party, donc comme le nom l'indique, avec un peu d'acide. Les acideries. Exact. Donc voilà, tranquillou, on part sur de la house et on finit sur trans techno et on passe un peu par toutes les notes. Et sinon, en décembre, je vais jouer sur Metz au Churchill le 16. Donc voilà. Trop et bien. Après, le reste n'est pas encore... C'est à confirmer, donc je préfère pas... Oui. Et sinon, vous pourrez l'écouter ce samedi 18 à 20h sur Radio Fagette, si vous n'avez pas envie d'aller au Bar à Mousse. on reprend tout de suite avec Marie Tonique. C'est parti. Marie, tu nous as parlé un petit peu de ta façon de choisir les musiques qui te plaisaient. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des plaisirs coupables en musique? Alors, des trucs que tu n'assumes pas du tout. Alors, en vrai, ça va, j'assume plutôt mes goûts. Mais sinon, moi, j'écoute de temps en temps, ça peut m'arriver d'écouter un peu de Booba, de Caris. Voilà, et puis sinon, beaucoup de rap US. Voilà, c'est sorti. C'est ça. C'est important d'en parler, hein, d'extérioriser. J'étais une fan de Katy Perry. Ah. Une grande fan. Tu peux comprendre. J'ai entendu tout le monde de la part de Lucie. Pas moi. Non, j'avoue que j'ai quand même chanté, je pense, Katy Perry. Je vais la voir à Bercy. Non, mais okay. Vraiment. Carton rouge pour Marie-Tonique. Non, mais on peut écouter de toute la, toute la musique. Comment décris-tu tes fans? As-tu des fans, des personnes qui te suivent depuis le début? Tu as parlé tout à l'heure de ta famille, tes amis, ton copain, je sais pas. Et bah déjà, ouais, ma famille numéro 1 hein, qui me supporte dans le salon quand je fais de la musique. Et donc ouais, bah, tout le monde est bienveillant, même mes amis de base qui viennent toujours me voir, et ça c'est vraiment adorable à chaque fois. Et sinon, là, de temps en temps, des gens reviennent et me disent « Ouais, je t'ai vu la semaine dernière, là, c'était trop cool. » Ok, voilà. Génial. Toujours bienveillant. Oh, c'est beau. Et c'est le moment douceur, du coup, aurais-tu un petit mot pour tes fans qui t'écoutent? Exprimez-vous, restez comme vous êtes, vraiment. Et n'ayez pas peur de vos goûts. C'est beau. C'est beau, ouais. C'est beau. Lucie, pour conclure. Marie, est-ce que tu peux nous dire sur quelle plateforme on peut avoir le plaisir de te réécouter ou de te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc marie.pierron attaché, et sinon sur SoundCloud, donc marie.tonique, et sinon le SoundCloud est dans mon lien de ma bio Insta. Bah, c'est super, merci voilà. Beaucoup, on va aller réécouter ça. Avec plaisir, et j'ai envie de lancer une tradition dans cette émission, ça sera la première fois qu'on va le faire, mais tu l'as fait en fait sans le vouloir, c'est ça qui est incroyable, c'est la magie je pense de cette émission. Aurais-tu une phrase, un dicton que tu souhaiterais partager à nos auditeurs ou aux personnes que, comme tu avais dit juste avant, de ne pas avoir peur de ses goûts? Eh bah oui, justement c'est ça, n'ayez pas peur de vos goûts et vraiment communiquez-les et soyez fiers de vos goûts. C'est beau, et on termine sur... 4 minutes de Marie-Tonique. Merci à tous pour cette émission. Merci à toi, Marie, d'être venue. C'était incroyable. Merci à vous. Et au plaisir de t'écouter à BAM samedi. Et d'ailleurs, on a fait la remarque que vous pouvez écouter Marie à 20h sur Radio-Tonique, sur Radio Fadjet. Lapsus, mais ok. Et après, ensuite, si vous aimez bien, bah, vous filez directement à la BAM à 21h. Et c'est parti. Lucie, un petit mot de la fin? Eh ben, c'était avec plaisir de partager cette première avec toi. Plaisir partagé. Allez, bonne soirée, chers auditeurs, sur Radio Fadjet.